Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Cette semaine, nous réfléchissons à l'humour, à son mécanisme, à ses conditions, à ce qu'il révèle et à ce qu'il cache parfois. Premier épisode, absurde et humour noir. Et la politesse du désespoir, voilà une formule attribuée à beaucoup de personnages. Selon Dominique Noguès, dans son livre « La véritable origine des plus beaux aphorismes », on la doit à Chris Marker. Mais elle s'applique à beaucoup d'univers comiques où s'étale l'absurdité du réel, voire un certain tragique, comme imbriqué dans l'absurde, et où tout pourtant fait rire ou au moins sourire. Mis à part l'hilarité suscitée parfois par les Monty Python, il n'est pas certain que le comique fondé sur l'absurde et surtout l'humour noir, fasse toujours rire aux éclats. Mais encore faut-il s'entendre sur les catégories absurde, humour noir. Et au vu des discussions que nous avons eues au sein même de l'équipe d'Avec Philosophie, ce n'est pas facile du tout. Je proposerai dans cette émission plusieurs exemples et nous réfléchirons à la manière de les qualifier. On se demandera aussi si, dans l'humour noir, le sourire, quand il est encore là, ne rompt pas à un moment donné avec la gaieté qui imprègne souvent l'absurde. Cioran n'est-il pas bien loin d'un Jacques Tati ou des Shadok et bien loin de ce rire doré dont parlait Nietzsche ? Bonjour Jean-Michel Béziers. Bonjour. Je crois que vous préférez qu'on dise baigner, c'est ça ? Merci. Alors, je dirais comme ça. Vous êtes philosophe, professeur émérite de Sorbonne Université. Vous dirigez le numéro de Raison Présente qui sort prochainement et sera consacré au rire. Et vous y ferez paraître un article consacré au comique des objets dans le cinéma de Jacques Tati. Bienvenue aussi à Aurélien Desmarres. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez la philosophie à l'Université Savoie-Mont-Blanc et au lycée. Et vous êtes un spécialiste de l'œuvre de Cioran. Enfin, à distance, mais avec nous, merci aux équipes de France Bleu Gironde pour ce duplex. J'accueille Yves Cusset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de philo, docteur en philosophie et vous avez enseigné plusieurs années. Aujourd'hui, vous écrivez surtout des essais, des romans, des pièces de théâtre. Et je dois dire que votre ouvrage « Rire, Tractacus Philocomicus » paru chez Flammarion en 2016 m'a fait passer un week-end vraiment souriant. Merci. Vous nous en parlerez. Je m'appelle Antoine Duval. Je suis un Français moyen. J'ai 40 ans. Je mesure 1m70. Je pèse 80 kilos. Je suis fonctionnaire. Je suis marié. J'ai 2 enfants. J'habite un appartement de 3 pièces que j'ai obtenu grâce au crédit foncier. J'ai souscrit une police d'assurance vie. Je possède la télévision équipée 2e chaîne. J'ai un compteur bleu. Et tous mes meubles portent l'estampille NF. Je n'aime que la cuisine au beurre. Je mange du pain d'épices. Quand je fais cuire des nouilles à la semoule de blé dur, je les goûte. Je les goûte souvent. Je bois de la chicorée. Je fais régulièrement la cure orange. Je bois du jus de raisin. Je bois du jus de pomme. Je fais la pause café. Je mange du fromage en portions. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde. C'était Jean-Yann. Un sketch intitulé « La confession d'un homme » ici diffusé sur l'ORTF en 1964. Ah, la télé. La télé avec ses injonctions au bonheur qui ne marchent pas. C'est peut-être une bonne pourvoyeuse d'absurde. Il y a aussi ces programmes qui permettent d'en dire du mal sans éteindre la télé pour autant. Écoutez. C'est, faut pas dire de conneries, quoi. La télé, c'est tout d'un coup, c'est ah, ça y est, c'est la télé. Et en même temps, je me dis, si c'est nul, ça va peut-être pas se remarquer à la télé, un truc nul. Alors, jamais t'entendras un mec dire, vous avez vu hier, il y avait un truc nul à la télé. Non mais attends, j'étais en train de regarder tranquillement une émission passionnante. C'était Cyril Hanouna là qui faisait un truc. Ça donnait vraiment matière à réflexion sur la condition de l'homme moderne. Je veux dire, c'était. Après, j'ai regardé une série de pubs assez génial. Et tout d'un coup, je zappe et boum, un truc nul. Non, ça ne se remarquera pas si je fais de la merde, hein, je pense. C'est flippant la télé quand même. Moi, j'ai pas la télé parce que je sais que c'est de la drogue dure. C'est-à-dire que la télé, tu la regardes. C'est obligatoire. C'est moi, ça me fascine de voir que le succès des émissions de merde tient juste grâce à des gens qui disent non mais moi je regarde, mais c'est juste pour voir le niveau de nullité du truc. Non mais vous êtes beaucoup à faire ça là. Non mais c'est un... Moi j'aimerais bien savoir combien ils sont, les gens qui regardent la télé avec du recul. Je veux dire, parce qu'il y a fort à parier qu'ils sont beaucoup. Mais ce qui est dingue, c'est-à-dire qu'on crée des émissions de merde pour que des gens les regardent tout en se révoltant que de telles merdes existent quand même. Alors je veux bien que la vie n'ait pas de sens, mais là quand même il y a des limites quoi. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mulman. Et là, c'était Blanche Gardin à propos de la télévision dans son festival, au festival de Montreux en 2017. Jean-Michel Beignet, de Jean-Yann à Blanche Gardin, dans les deux extraits que nous venons d'entendre, avons-nous affaire à un humour de l'absurde au sens d'un humour qui montre une situation complètement absurde? Bah, oui, je crois qu'on a affaire à de l'humour de l'absurde, c'est-à-dire un humour qui est créé par une situation. L'humour absurde, ça serait plutôt créé par un raisonnement, je dirais. Mais là, c'est la situation banale. Jean-Yann déroulant son CV et affichant une absence d'ambiguïté. C'est peut-être ça aussi qui fait rire, l'absence d'ambiguïté du personnage. Et puis, cette espèce d'obéissance au conformisme qui va tellement loin que ça en est dérisoire. Et puis, Blanche Gardin, en l'écoutant, là, j'ai pensé à... je crois que c'est Groucho Marx qui disait La télévision, ça favorise la culture parce que chez moi, dès qu'on l'allume, je vais dans ma chambre et je lis. Hein, voilà. Sauf que chez Blanche Gardin, on continue à regarder la télé en disant que ça n'a aucun sens de regarder cette télé qui n'a pas de sens elle-même. Oui, une auto-justification qui est absurde. Aurélien Demar, ça va? Les premiers exemples sur l'humour de l'absurde que nous venons de donner là, il y en aura d'autres, je préviens. Mais là, vous approuvez? Moi, je mettrais une nuance. Je pense qu'il s'agit effectivement d'absurde dans les deux cas. Mais pour moi, il y a une nuance. Oui. Le premier extrait, Jean-Yann, en fait, a une dimension un peu plus grave du conformisme. Et son timbre de voix est moins rieur et il participe moins. On n'entend pas les rires du public, d'ailleurs. Dans le second cas, on a plutôt de l'ironie. Il s'agit de cibler et le public se reconnaît dans peut-être quelque chose qui lui est parlant parce que c'est aussi quelque chose dont il a l'habitude. Dans le premier cas, il s'agit plus d'humour, de l'absurde. Dans le second cas, il s'agit plus d'ironiser à propos d'une situation absurde. Donc, sauf que ce qui est absurde aussi dans le deuxième cas, oui, c'est ce qu'elle ne voit pas. C'est qu'elle elle rentre dans la catégorie même qu'elle dénonce, puisqu'elle vient de dire « c'est pourri, mais je regardais », etc. Ma nuance, elle ne porte pas sur l'absurdité, elle porte plutôt sur entre ironie et humour. Dans l'humour du premier cas, dans l'humour noir, c'est parce qu'il y a une gravité, il y a le conformisme qui est dénoncé. Peut-être aussi dans une époque où le conformisme, avec peut-être une seule chaîne de télévision, etc., dans un autre cadre des médias par rapport à aujourd'hui, peut-être que il y a une dimension peut-être plus disqualifiante encore. Ouais. Dans le second, cas, disons, c'est le sérieux même de Yann qui est drôle. Dans l'autre cas, c'est le côté un peu innocent et un peu exactement, un peu pas très malin de la fille qu'elle joue. Il s'agit bien la matière est bien absurde dans les deux cas, mais dans le premier cas, je vois plus de l'humour et dans le second, je vois plus de l'ironie, et notamment parce que dans l'ironie, on cible en fait. on va essayer de cerner une habitude commune et partagée. Ouais, et d'ailleurs, on a la complicité de ce public qui se reconnaît dedans. Et il y a peut-être même un degré supplémentaire, il y a même un peu d'auto-ironie puisqu'on se retrouve, on se reconnaît dedans. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Cusset? Alors, j'ai un petit écho, mais c'est pas grave. Quand j'écris des spectacles d'humour, je m'interroge rarement sur ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire est-ce que je fais du comique, de l'humour, de l'absurde, de l'humour noir, de la satire, de la parodie, etc. Je cherche juste à avoir un regard sur le monde qui laisse place à la possibilité d'en rire, c'est-à-dire de ne pas le prendre au sérieux. Et dans les deux cas que vous avez présentés, il y a de toute évidence une volonté de ne pas prendre au sérieux ce que, en général, la majorité des gens prend au sérieux. Donc il y a déjà ce refus d'adhérer au sérieux du monde, mais de manière effectivement différente. C'est-à-dire du côté de Jean-Yann, il y a le choix d'une forme d'auto-dérision qui est propre à l'humour. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire une forme de, bon, de toute façon, une manière de minorer sa propre existence, quoi. Elle est finalement tragique, mais on n'arrive même pas à la montrer comme tragique. Elle devient dérisoire, avec ce sauvetage à la fin. Et je m'emmerde, mais ça le sauve. Le fait de dire « je m'emmerde » à la fin, il pourrait ne pas le dire. Et le « je m'emmerde » crée ce moment humoristique. Sinon, on en resterait à une autodérision peut-être un peu triste, quoi. Et vous êtes d'accord avec Et du côté de Blanche Gardin, on est dans la dénonciation. On n'est pas dans l'absurde. On est dans les dénonciations de l'absurde. Là aussi, effectivement, c'est plutôt de l'ironie. Entendu, on m'avait l'absurde convaincu. est un refus de la logique. C'est tout autre chose. D'accord, donc pour vous, le Blanche Gardin est plus de l'ironie que de l'humour fondé sur quelque chose d'absurde, qui est que c'est ce que vous dites tous les deux. Très bien, très bien. Alors maintenant qu'on a évoqué l'absurde comme situation, je voudrais faire valoir une autre conception de l'humour absurde, qui est le pur jeu sur les mots, sur les discours, où on a l'impression que ça ne renvoie à aucune situation. Alors c'est un autre type d'humour absurde. Je vous propose deux extraits. D'abord, bien sûr, Pierre Dac. Une vague de grippe déferle sur le pays. Vague ou raz de marée ? Car le souvenir des épidémies antérieures disparaît dans ce concert général de toux et d'éternuements. Les malades ne se comptent plus. On assiste dans tous les domaines à une sorte de disparition progressive de ce que la faculté nomme l'ingrippatus homo. L'être non grippé, qui pour se maintenir doit d'ailleurs faire feu de tout bois. Par contre, les pharmaciens voient s'ouvrir l'âge d'or, car selon la plus abominable des logiques, le malheur des uns continue à faire le bonheur des autres. Devant les perspectives hallucinantes de l'épidémie, les actualités françaises ont jugé de leur devoir d'interroger le plus célèbre des spécialistes, le professeur Pierre Dac. Monsieur le professeur, que pensez-vous de l'épidémie de grippe italienne ? Je suis contre. Oh là là, résolument contre. Mais d'ailleurs, dès l'apparition des premiers symptômes de cette grippe dite italienne, tenez, voici l'ordonnance que je viens d'établir et qu'il faut faire exécuter immédiatement par le pharmacien ou par tout autre commerçant qui voudra bien s'en charger. Mais voilà, primo, sulfate de parmesan râpé, 125 grammes. Chlorhydrate de gnocchi, une pelletée. Uranium, 1,5 livre. Ortho-benzo-phényl-litho-malonilurée, 1 seau. Phosphate de vermicelle, 1 mètre carré. Une louche à dessert, à chaque repas. Deuxièmement, faire de fréquents lavages d'intestin. Troisièmement, absorber le plus possible de vitamine A. Ah, je vous signale que la carotte contient énormément de vitamine A. Il y a donc lieu de prendre beaucoup de carottes. Oui. Dans quelle forme ? Hein, en lavage intestinaux. Oui. Voilà. Et ça guérit ? Non, mais ça occupe. Et pendant ce temps-là, on pense à autre chose. Alors, ça c'était bien sûr sur l'ORTF Pierre Dac en 1949. Maintenant, un autre très très grand classique de l'humour absurde. Dans le cadre de la campagne d'éducation des Shadocks que nous avions promis au début de notre feuilleton, nous allons assister aujourd'hui au premier cours de logique Shadock du professeur Shadock. Au programme, les passoires. On appelle passoire tout instrument sur lequel on peut définir 3 sous-ensembles. L'intérieur, l'extérieur et les trous. L'intérieur est généralement placé au-dessus de l'extérieur et se compose le plus souvent de nouilles et d'eau. les trous ne sont pas importants. En effet, une expérience simple permet de se rendre compte que l'on ne change pas notablement les qualités de l'instrument en réduisant de moitié le nombre des trous, puis en réduisant cette moitié de moitié, etc., etc. Et à la limite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trous du tout. D'où théorème, la notion de passoire est indépendante de la notion de trou, et réciproquement. On appelle passoire du premier ordre les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau. On appelle passoire du second ordre les passoires qui laissent passer et les nouilles et l'eau. On appelle passoire du troisième ordre, ou passoire complexe, les passoires qui laissent passer quelquefois l'un ou l'autre et quelquefois pas. Pour qu'une passoire complexe laisse passer l'eau et pas les nouilles, il faut et il suffit que le diamètre des trous soit notablement inférieur au diamètre des nouilles. Pour qu'une passoire complexe laisse passer les nouilles et pas l'eau, il faut et il suffit que le diamètre des trous soit notablement inférieur au diamètre de l'eau. Quant aux passoires du premier ordre qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau, il y en a de deux sortes. Les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau, ni dans un sens ni dans l'autre, et celles qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau que dans un sens seulement. Ces passoires-là, on les appelle des casseroles. Et là, vous aurez reconnu, je pense, les Shadocks. Les Shadocks avec la voix de Claude Pieplu. Et je vérifie qui, pour ne pas me tromper, les a fondés. C'est, j'ai oublié, je suis désolée, j'avais noté ça quelque part. Pardonnez-moi. Je voudrais vous demander à tous les deux, s'il vous plaît, vous qui êtes avec moi en studio, puis on verra avec Yves Cusset, comment vous qualifieriez cet absurde-là, celui de Pierre Dac et celui des Shadocks, par rapport aux exemples que nous avons vus avant de Jean-Yann et de Blanche Gardin. Bon, j'ai entendu que vous aviez une autre analyse de Blanche Gardin. Bon, il me semblait qu'il y avait quand même quelque chose d'absurde dans ce que vous avez dit vous aussi, Jean-Michel Beignet. Mais quelle est la différence entre ce premier absurde que nous avons vu et celui-ci que nous venons d'entendre? Ben, je pense qu'on avait affaire tout à l'heure à de l'humour absurde qui reposait sur quelque chose comme du langage, de l'argumentation, du raisonnement. Là, on a affaire à de l'humour qui est lié aux automatismes du langage. Au fond, à chaque fois qu'il y a rire, il y a quelque chose comme de l'immaîtrise. Le rire, c'est toujours de l'incontrôlable. Et livrer le langage à lui-même peut provoquer précisément cette incontrôlable. Hein. C'est très net chez Pierre Dac, hein, où il y a une mécanique qui se met en place. Les mots appellent les mots, les stéréotypes s'imposent. Que pensez-vous de l'épidémie? Je suis contre. Hein. Bon, mm-hmm. C'est cette espèce d'automatisme qui vient tout seul. C'est le télescopage entre l'attente que les mots provoquent chez nous et ce qui en résulte, qui crée cette dimension d'humour. Hein. Je crois que Woody Allen avait bien compris la chose, hein, lorsque il dit « non seulement Dieu n'existe pas, mais en plus il est impossible de trouver un plombier le dimanche ». Bon, on a typiquement là le télescopage entre deux formulations qui n'ont rien à voir, ou quand il dit je ne sais pas, et si tout n'était qu'illusion, si la réalité n'existait pas, ben dans ce cas j'aurais vraiment payé ma moquette trop cher. Hein. Là aussi, on voit bien que c'est les mots qui doivent dérouter les attentes, hein, et c'est dans ce décalage que se niche le rire. Alors, oui, les Shadocks, bon, c'est extraordinaire parce que il s'agit de la parodie du professeur, hein, du magistère, hein, qui va donner des définitions et définir des théorèmes. Hein. Et surtout, ça a provoqué les Shadocks. Il faut croire que cet humour-là est loin de faire l'unanimité. Ça a provoqué une énorme bataille. Et précisément, Jean-Yann a lu ensuite des lettres de téléspectateurs fâchés qu'on ait mis ces sketchs-là, cette création-là, les Shadok, tandis que d'autres en étaient des fans absolus. Et du coup, c'est devenu carrément absurde, c'est-à-dire qu'on s'étripait de manière très sérieuse sur un sketch dont les personnages et les mots étaient pas loin du non-sens total. Aurélien Demar, vous êtes amateur de cet humour-là ? Oui, plutôt. Il y a une grande tradition et comment ne pas y être sensible ? Moi, ça me fait penser déjà à la leçon de Ionesco, à cette tragédie du langage où, avec la cantatrice Chauve et puis la leçon, nous avons une parodie de situations stéréotypées. On se rappelle que Ionesco, se mettant à l'anglais, prend une méthode, la méthode assimile, et découvre que son tailleur est riche, et apprend des vérités, des certitudes toutes faites et décide presque de mimer, de parodier avant d'en faire quand même une construction. Pour que le passage du plagiat pur, c'est le terme qu'emploie Ionesco, pour en faire une pièce de théâtre absurde, n'imaginez pas, lui, c'est l'inverse. Ionesco, lors de la première, il n'était pas sûr, il était surpris de la réaction amusée, hilare d'un public qui a comme réaction par un malaise du langage créé sur scène, une réaction de défense par le rire. Et que ça soit cette parodie du ton professoral, cette parodie de la recette de cuisine ou métaphysique ou alchimique, on ne sait trop, c'est cette rationalité sans mesure, absurde, sans but. Quelle est la définition de l'absurde, disait Ionesco, à propos de ses premières théâtre de l'absurde qu'il n'aimait pas trop, il voulait pas se reconnaître dans une école. Pour lui, c'était sans but, sans finalité, sans téléologie. On a ainsi un langage qui tourne à vide en rond et on voit que seul la ritournelle, le principe automatique du langage qui voudrait s'imposer par des raisonnements spéciaux ou complexes ou abscons fait rire par son grotesque. On va caricaturer en fait cette tragédie du langage qui malheureusement empiète sur nos quotidiens et qui peut-être aussi l'occasion de nous faire prendre conscience de nos préjugés, de nos stéréotypes. Il y a deux manières alors de réagir. Soit on est conforté par ce que nous entendons, ce que nous voyons, et ça confirme nos préjugés. Soit c'est l'occasion d'en rire et c'est l'occasion d'en prendre conscience et peut-être d'essayer déjà d'avoir un moment de recul, de les remettre en question, d'avoir un moment critique. Alors, j'ai un petit peu peur, Yves Cusset, qu'après avoir commencé par des exemples et en vous écoutant, puisque vous dites que c'est le fait de rire qui doit être le point de départ d'une réflexion sur le rire et pas une discussion théorique sur l'essence du rire, j'ai peur évidemment qu'à un moment donné, on passe à des grandes abstractions sur l'essence du rire. Vous dites, je vous cite, « L'essence du rire s'évanouit dans l'acte, dans l'action, dans le simple fait de rire, rire est littéralement évanescent. » Est-ce que dans l'exemple des Shadok et l'exemple de Pierre Dac, comme on joue véritablement avec le langage et ce qui est dit n'a pas de sens, mais c'est de l'absurde, est-ce que ça vous fait rire ? Est-ce qu'on est bien encore dans le domaine du rire ? Yves Cusset, on a du mal à en parler sans, disons, faire valoir de grandes catégories, le tragique du langage, etc. Est-ce qu'on se marre ? Est-ce qu'on se marre ? On peut pas en faire un modèle du tout. C'est-à-dire qu'on peut, on voit bien que l'humour a un rapport avec l'humeur dans laquelle on se trouve et la prédisposition dans laquelle on est. On peut très bien dire, en écoutant ça, en écoutant Pierre Dac comme les Shadok, on peut très bien dire so what, et rester totalement froid. Ça mène à quoi? Ça sert à quoi? Moi, ça ne me fait pas rire. Il y a du jeu avec le langage, très bien, mais ça nous laisse profondément indifférents. Donc Et on peut très bien trouver ça très drôle, tout en restant le même à un autre moment. Tout dépend le rire dépend de l'occasion, hein, de l'état dans lequel on se trouve. Oui, c'est ce que et vous dites, y a une jouissance à laquelle, et c'est comme jouir de manière générale d'ailleurs. Ça dépend de l'état dans lequel on se trouve. Mais là, la jouissance qu'on peut avoir par rapport à l'absurde. C'est ce plaisir très particulier à être, libéré de l'angoisse du non-sens, du risque que le monde auquel on adhère soit tout d'un coup privé de sens, alors qu'on l'a tant pris au sérieux, alors qu'on y a attaché tant d'importance. Eh bien, là, au fond, ça nous dit, mais ça n'est pas grave, ça n'est qu'un jeu. ça n'est qu'une plaisanterie, ne t'inquiète pas. Et donc, si on est dans cette disposition-là, où tout d'un coup, on entend derrière ce jeu avec les mots, mais tout ceci n'a aucune importance, c'est pas la peine de t'échiner à essayer de lui donner un sens, oui. ou à avoir peur que ça n'en ait pas, oui. tout va bien. Donc, si on le prend comme tel, si on est dans cette humeur-là, alors oui, on va volontiers en rire. Sinon, il n'y a pas quelque chose dans ce type d'humour qui prédispose à rire. Donc, je crois qu'on peut pas séparer quand les gens entrent dans une salle, ils sont dans un certain état. C'est pour ça que je dis toujours, il faut pas chercher des effets comiques quand on crée un spectacle humoristique. Il faut d'abord se demander comment on arrive à embarquer les spectateurs dans une même humeur, dans un même univers, et je dirais à les désinhiber de la même manière. Et c'est ça, en un sens, le plus dur. Et c'est donc plutôt comment ça va être dit qui va faire la drôlerie de ce type de phrase, plutôt que leur contenu lui-même. Jean-Michel Beignet, oui, pourquoi ça fait rire certains et pas d'autres ? Je serais assez d'accord avec ce que vient de dire Yves Cusset. C'est la manière dont les choses sont dites qui provoque effectivement le rire. Ça vous fait marrer, vous, oui. Les Shadocks ? Oui. Ouais. Oui, beaucoup, beaucoup. De la même manière que dans En attendant Godot, la longue citation de Lucky oui. me fait rire, alors que je n'accroche aucun sens à quoi que ce soit, comme tout le monde. Il n'y a pas de point de capiton. C'est un rire évidemment nerveux, enfin on pourrait le dire comme cela, nerveux, qui pourrait provoquer aussi la colère, hein, une espèce de réaction offusquée, scandalisée. Comme les Shadocks l'ont provoqué aussi. Les Shadocks l'ont provoqué. Je crois que ce rire-là, c'est un rire qui m'est presque imposé, que je ne choisis pas d'apprécier ou de ne pas apprécier, il m'est imposé, parce qu'il réveille chez moi quelque chose de mécanique. Et là, on pense qu'on veut de Bergson, mais quand il définit le rire par l'intrusion du mécanique dans le vivant, il dit quelque chose qui est phénoménologiquement fondé. Hein. Effectivement, il y a des rires qui font mal parce que ils vous sont vraiment imposés. Et Firdac, Jean-Yann, très fréquemment, provoquent, chez moi en tout cas, cette espèce de rire offusqué. Alors Yves Cusset, dans votre livre « Rire, Tractacus philosophico-comicus vous définissez l'acte de rire, enfin la mécanique en quelque sorte du rire, par souvent le fait qu'un absolu vient se fracasser. Alors ça peut être un absolu qu'on respecte, des principes moraux très forts, un rapport au sacré, la mort elle-même, quelque chose d'absolu. Quand ça se fracasse, c'est ça qui est au cœur du rire. Alors, c'est vrai que du coup, moi, je me marre plus quand vous dites, par exemple, quand vous fracassez Bergson lui-même, puisqu'on en parle. Bergson, souvent, on peut pas faire de la philo du rire sans Bergson, mais beaucoup de gens disent en même temps que Bergson, il est pas très drôle. Et ses exemples de rire dans le rire, son essai, ne sont pas super. À un moment, vous donnez un exemple un peu pourri. On ne doit pas rire à l'enterrement, etc. Et vous ajoutez dans votre livre, c'était pas drôle, je sais, mais excusez-moi, c'est un exemple de Bergson. Donc, vous allez quand même beaucoup plus loin que l'univers bergsonien qui s'arrête à la mécanique plaquée sur du vent. J'ai même l'intuition que vous pensez que c'est plutôt de l'organique qui reprend ses droits sur le mécanique. Mais bon, Yves Cusset, c'est difficile de parler du rire en philosophie. Ah ben ça, je le dis aussi, hein, analyser l'humour, c'est comme disséquer une grenouille, hein, ça n'intéresse pas grand monde et à la fin la grenouille meurt, quoi. Donc c'est le risque d'ailleurs de ce type d'émission, c'est qu'on est en train de tuer à petit feu l'humour à force d'essayer de le trouver et de trouver où il est. Et ça serait encore plus difficile de dire alors faites-nous rire, ce qui est l'injonction impossible en plus à honorer. Donc mais vous y arrivez, vous, dans votre bouquin, vous y arrivez. C'est très compliqué. J'en dis la difficulté aussi, c'est-à-dire j'ai voulu, c'est pour ça que je parle plutôt de l'action de rire, c'est-à-dire à un moment donné, il faut cesser d'en faire un objet, faut essayer de l'illustrer en acte, mais j'ai sué quand même. Hein. Est-ce que je peux donner une de vos blagues? Parce que souvent chez Bergson, il y a la blague qui marche pas. Chez Bergson, il y a la blague. Enfin, moi, je trouve que ça fait rire personne, et je crois que vous le pensez aussi. Le type qui glisse sur une peau de banane. Je crois qu'aujourd'hui, on se dit, oh le pauvre, ça se trouve, il s'est fait vraiment une fracture. Je suis pas sûre que ça fasse très drôle, ça fasse beaucoup rire. En revanche, quand vous dites Yves Cusset, ben voilà la blague. Un jour, deux pommes de terre se promènent, l'une d'elles traverse la route et se fait renverser, l'autre se retourne et dit, oh purée. C'est complètement nul, c'est complètement absurde, mais du coup, il se passe autre chose. Et on a l'impression là que justement, ce qui se passe, c'est que du mécanique se voit en quelque sorte que des choses qui ne sont pas vivantes, comme les pommes de terre. Ce qui est drôle, c'est qu'elles parlent comme si elles étaient vivantes. Et donc, ce n'est pas la mécanique sur de l'organique, c'est l'organique sur la mécanique, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Cusset ? De votre propre blague. Vous donnez une blague pourrie et en fait, vous l'analysez très bien. Pourri, c'est d'abord enfantin. Et enfantin, c'est important. Il y a le droit à ce comique gratuit qui nous rappelle que la finesse n'est pas forcément un critère du rire. Que souvent, on me dit, moi, j'aime pas, quand on me dit après un spectacle, ah oui, c'est de l'humour quand même un peu plus fin que ce qu'on fait d'habitude. Je préfère largement quand on me dit, mais qu'est-ce que t'es con? Purée, c'est complètement con. C'est une blague complètement con, mais c'est une bonne blague. C'est complètement con. Mais ça nous dit quelque chose. Effectivement, moi, je m'interroge en me disant, est-ce que Bergson a vraiment raison? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas plutôt du vivant plaqué sur du mécanique? Voilà, parce que le principe de la chute ou du quand on se cogne contre un réverbère, c'est comme des choses qui marchent. Ça dépend comment c'est montré, mais généralement, c'est du burlesque et c'est plutôt drôle quand on sait le faire. Mmh. Mais en fait, la plupart du temps, Bergson nous parle de gens qui marchent dans la rue, qui sont complètement dans leur rôle social, qui vont au bureau, qui font les choses comme ils font d'habitude, comme tous les jours. Donc, il y a une dimension totalement mécanique et sociale de ce qu'ils font. Et tout d'un coup, ils sont rendus à eux-mêmes, c'est-à-dire à la fragilité de leur corps mortel, de leur corps souffrant, en se cognant contre un réverbère, bam, ils sont rendus à leur véritable vie bien vivante. Et c'est drôle, la vie vivante, en fait. Mais parce que ça nous échappe, ça nous déborde, et c'est ça, tout d'un coup, qui nous fait rire. Donc, moi, j'aime bien interpeller les gens en disant, est-ce que c'est pas le principe inverse qui serait plus vrai pour parler du comique? Le vivant plaqué soudainement sur du mécanique, quoi. Alors, je suis en compagnie de Jean-Michel Beignet, Aurélien Demare et Yves Cusset. Nous parlons de l'humour noir et de l'absurde. Nous sommes encore sur l'absurde. Il y a quand même un univers, Jean-Michel Beignet, qui correspond à ce que dit Bergson, la mécanique plaquée sur du vivant, c'est Jacques Tati. Sauf que si je puis me permettre, je vais vous demander si c'est pas du vivant placé sur du mécanique. Il y a la scène de Jour de fête, hein. Ce film de 1949, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui. Où on voit sur un quai de gare tout un tas de gens et puis il y a des annonces mécaniques. Et finalement, tout ça produit une sorte de vie bizarre. Et c'est drôle, enfin, pour ceux qui aiment Tati. Mm-hmm. Et là encore, à partir du mécanique, on crée une espèce de gros organisme qui est la gare vivante, bizarre, bizarrement vivante. Oui, on peut le voir comme ça. Moi, je le voyais peut-être plus simplement. Je dis, le haut-parleur de gare, c'est un objet technique, hein, qui est censé provoquer une injonction sur des vivants. Les vivants, ces gens qui attendent leur train pour partir en vacances, etc. Et qui sont ballottés d'un quai à l'autre, parce que le haut-parleur, effectivement, diffuse des paroles incompréhensibles. Donc ça crée une espèce de brouée, hein, dans lequel... Le déploiement vivant de l'absurde. Mais on peut dire que les vivants qui attendent sur le quai de la gare ont cessé d'être des vivants pour devenir des espèces d'automates. Hein, qui répondent à d'autres objets. Mmh. Donc je dirais que le ressort du comique, hein, dans les situations de Tati, c'est en règle générale l'intrusion de l'objet, hein, qui contraint le vivant à se comporter lui-même comme un objet, comme un automate, hein, et la posture physique même de Jacques Tati le révèle. C'est comme si il avait tellement avalé d'objets, hein, qu'il était lui-même contraint à se comporter comme un automate. C'est au fond l'absence d'ambiguïté qu'il ressort du rire. Là, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas d'intériorité. Il y a simplement des réactions à des stimuli qui sont univoques. Et pour rebondir peut-être sur ce que disait Yves Cusset, le vivant qui viendrait se plaquer sur du mécanique, c'est la surprise, c'est l'effet de surprise aussi qui est toujours présent dans le rire. Hein, si la blague pourrie des pommes de terre ou des tomates, parce que moi je connaissais l'histoire aussi avec les tomates. Les tomates, hein, bon, celles qui se renversent et l'autre dit « Ah !» Purée ou quoi? Non, il y a deux tomates traversent la rue, oui. Hein, l'une se fait écraser et l'autre dit « Allez, tu viens, Juju ?» Bon, d'accord. Alors, on aura aussi eu celle-là et puis je vais en rajouter une franchement potache que donne notre ami Yves Cusset dans son livre. Et ça montre bien qu'il y a une mécanique du langage. Ça commence par le potache. C'était quand vous étiez au lycée, n'est-ce pas, Yves Cusset? Chaque fois que vous aviez un prof qui le matin disait « Bon, ce matin, vous disiez... » un lapin a été tué par un chasseur ou un chasseur tue un lapin. Pourquoi c'est drôle? Et d'ailleurs, est-ce drôle, Yves Cusset? C'est ce droit qu'on se donne de jouer avec la contrainte, c'est tout. C'est-à-dire que l'enfant et l'adolescent, ils connaissent très bien ça. Évidemment, ça énerve le prof, c'est-à-dire il y a ceux qui rient en fond de classe, mais on a besoin de se libérer de la lourdeur du quotidien. Quand on est assis à la même table 8 heures par jour à écouter les mêmes profs parler, de pouvoir jouer avec ce qu'ils disent et de faire apparaître le caractère mécanique, d'ailleurs, de ce qu'ils peuvent dire, on s'en saisissait dès que possible. D'ailleurs, c'est un lapin a tué un chasseur, et là, on voit bien que c'est la contestation de l'autorité. Chaque fois que le prof dit ce matin, il dit un lapin a tué un chasseur, comme dans la chanson de Chantal Goya. Donc, c'est du potache absurde, mais avec quand même un petit sens latent, dirait Freud, que vous aimez bien d'ailleurs. Oui, j'aime bien Freud, qui est pas très drôle non plus, mais le sens latent, vous l'y mettez, et je l'accepte, mais ça n'allait pas jusque là, ou alors c'était vraiment totalement inconscient. Et là on reste aussi chez Freud. Alors je vous propose maintenant qu'on passe à l'humour noir. Là aussi on a des problèmes de qualification. Qu'est-ce qui est humour noir? Qu'est-ce qui est juste du burlesque? Qu'est-ce qui est juste du potache? Qu'est-ce qui est de l'absurde mais pas de l'humour noir? Écoutez, moi je ne sais rien. Je vous envoie des propositions et vous me dites ce que vous en pensez. Voici. Bougez pas ou je la flingue. Ne quittez pas, monsieur le préfet. Martini. Qui c'est? Jean-Paul Martini. Petit politicien véreux, tueur d'écologiste, qui veut transformer la plage en parking. N'ayez pas peur, Odile. Je m'occupe de ça. Stop! N'avancez plus, Bialès. Je veux un hélicoptère. Je veux que vous donniez l'ordre à vos hommes de me laisser quitter le palais sans problème. Sinon, je la flingue. Et ce coup-ci, plus de tapette pour vous sauver. Je veux que monsieur est commissaire de police. Tu bluffes, Martini. Il bluffe? Pas sûr. Si, il bluffe, là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer, là, quand même. Si, il bluffe, là. Moi, je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi, je vote et je dis, il bluffe. Ça suffit! Vous essayez de gagner du temps. Non. Bon, vous l'aurez voulu, hein. Je la bute! Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée. Aïe! Yes! Je vais voter, il bluffe pas. Hein. Peut-être qu'il bluffe, hein, peut-être qu'il avait qu'une seule balle. Aïe! C'est un extrait de La Cité de la Peur, réalisé par Alain Berberian en 1994. Aurélien Demare, c'est de l'humour noir, c'est du burlesque, c'est du grotesque, c'est de l'absurde. C'est de la parodie. C'est-à-dire? On est en train de parodier le film noir. on parodie avec tous les clichés du film noir. Et d'ailleurs, on va grossir les traits avec caricature pour justement en faire trop et essayer de démonter la mécanique du film noir qui est censée être très sérieuse, qui se prend peut-être un peu trop au sérieux. Et le ressort ici, c'est que là où on devrait avoir angoisse et inquiétude, on a exagération et donc en fait, on essaye de révéler les coulisses, si je puis dire. On voit l'échafaudage derrière le théâtre. L'humour noir, pour vous, est plus grinçant que ça? Attends, je vous donne deux exemples, et puis vous allez me dire si on est plus dans ce que vous entendez par humour noir. Écoutez. Quand on est non-voyant, à 35 ans, on se dit... Comment ? J'ai 40 ans. 40 ans, j'ai 40 ans. Vous voulez dire vous voulez dire que vous n'êtes pas aveugle, enfin, pardon, non-voyant de naissance, c'est ça ? Non. Non, j'ai contracté une maladie à l'âge de 5 ans qui m'a fait perdre la vue. Voilà. Donc, j'ai rencontré cette jeune femme sur un site. Pour moi, je trouve que, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, parce que aveugle, enfin, non-voyant, pardon, de naissance, encore bon, ça va, on a connu que ça, bon. Mais là, c'est horrible, parce que vous savez ce que vous perdez. C'est comme si on vous avait offert un jouet magnifique et que, sans raison, un jour, hop, on vous le reprend. Non, mais ça va, je vous assure, ça va très bien. Il y a très longtemps, je suis très heureux, j'ai un métier que j'aime. Vous êtes dans la musique ? Non, je suis avocat. D'accord. Voilà. Donc, je dois rencontrer cette jeune femme dans deux jours. Et Margaret, je voulais vous demander un conseil. Et ce qui me bouleverse le plus, c'est cette injustice totale. On doit se dire, mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Oui, sans compter la peine pour les parents qui voient leur vie bouleversée. Et puis... qui doivent totalement repenser leur famille, hein, parce que c'est très traumatisant aussi pour les frères et sœurs. Ouais, écoutez, ça s'est plutôt très bien passé de ce côté-là, mais en fait, je ne vous appelle pas pour ça. Hein. Ça, c'était Zabou Breitman, qui était dans une parodie, sans doute, pourrait-on dire ainsi, d'une émission d'écoute des auditeurs, France Inter, dit-elle, à votre écoute coûte que coûte, et c'est passé d'ailleurs sur France Inter en 2012. La posture d'écoute devient complètement gênante. C'est une empathie qui n'empathise pas beaucoup. Et ça fait mourir de rire Jean-Michel Beignet. Je me demande si ça aussi, ça vous fait mourir de rire. C'est la loi des derniers arrivés sur le territoire. Les derniers arrivés sur le territoire sont toujours plus cons, plus sales, plus bêtes et plus, voilà, plus dégueux que les autres. En ce moment, c'est les Roumains. C'est eux qui s'en prennent plein la gueule. Jusqu'à la prochaine vague d'immigration, en fait, c'est comme ça que ça marche. Hein. Les prochains, ce sera les réfugiés climatiques. Ça va être eux. Oui. Je veux dire, une fois que la glace aura fini de fondre au pôle Nord, il y a toute la banquise qui va débarquer quand même. Il faut le savoir. Hein. Non, mais ça va arriver vite. Là, pour l'instant, on fait semblant de s'émouvoir parce qu'il y a deux ou trois ours polaires qui se noient, mais parce qu'on veut pas voir qu'il y a des villages entiers d'Esquimaux qui survivent en dos crôlé depuis 10 ans. Mais je veux dire, on a tort, parce qu'ils vont arriver, ils vont être vénères, les mecs, vraiment. Et évidemment, ils vont demander statut de réfugié, parce que c'est sûr que, a priori, les Esquimaux vont pas rentrer dans le cadre de l'immigration choisie. Hein. On va leur demander, alors, qu'est-ce que vous pourriez nous apporter ? Qu'est-ce que vous savez faire ? Des maisons en glaçons ? Ça dégage, hein. On va les mettre dans des camps, et puis voilà. Ouais. Médecins du Monde va leur filer des antiglous, ça leur rappellera le pays. Non, mais heureusement qu'il y a les tentes igloos, hein, pour les clochards, c'est une belle initiative. Non, c'est pratique quand même. Hein, je veux dire, le SDF, il meurt dans sa tente, les éboueurs, ils passent, ils n'ont plus qu'à ramasser le sac poubelle. Non, c'est pratique. Blanche Gardin, 2017. Jean-Michel Beignet, vous montrez par votre attitude en studio que l'humour noir est vraiment drôle. Parce que vous êtes mort de rire. Ah oui, là, je trouve ça très très drôle. Les deux exemples, Zabou Breitman et Gardin. Oui, absolument. Le non-voyant, l'aveugle, non, le non-voyant et l'immigration. Oui, je trouve que on a dans les deux cas un sujet grave, un sujet traité généralement de manière extrêmement sérieuse, austère même, et donc c'est de cela qu'on se moque, hein. Donc ça marche, c'est ça l'humour noir, c'est se marrer sur du très grave. Absolument, et plus peut-être c'est grave, et plus c'est sujet à être renversé. Moi, j'aime bien, par exemple, Mel Brooks, La vie de Brian, bon, ouais. qui est la parodie de l'Évangile et qui culmine, évidemment, avec un Golgotha où sont rassemblés quantité de crucifiés qui veulent tous voler la vedette à Jésus ou à Brian. Bon, c'est extrêmement drôle. Enfin, vous êtes d'accord, Aurélien Demare, vous qui travaillez sur Sioran, on va maintenant en dire un mot, parce que Sioran est désespéré, pessimiste, mais il a théorisé une forme de rire à l'intérieur de cette humeur pessimiste. On va y venir, mais d'abord sur les exemples que je viens de donner, est-ce que vous diriez que c'est de l'humour noir ? Sur les deux derniers. Et que c'est drôle. Oui, les deux derniers en particulier, effectivement, on rit d'abord du pire, plus c'est tragique et grave. Plus c'est une manière de mettre en cause quelque chose qui serait autrement un peu trop... c'est presque trop sérieux pour être vrai, et c'est pour ça que ça déclenche cet humour. C'est différent du cas où quelqu'un prévient, il bluffe, puis en fait il bluffe pas du tout, il tue tout le monde, l'exemple de la Cité de la Peur. Oui. Qu'est-ce qui est différent ? Le premier, celui dont oui. nous parlons, de la Cité de la Peur, est-il aussi une forme d'humour noir avec la parodie que vous disiez ? Pour moi c'est un peu différent parce qu'en fait c'est un peu le même objet, mais c'est pas la même attitude. Le premier consiste dans l'imitation d'une mécanique, le film noir. Le second, donc avec Zabou Breitman, c'est l'idée d'une situation qui est affligeante, tellement horrible, tellement c'est la réaction que l'on entend d'ailleurs et ce décalage qui est créé, c'est pas une imitation, le rire ne se produit pas à l'issue de l'imitation caricaturale, mais c'est plutôt de la situation glauque, si vous me permettez l'expression. Ouais, c'est glauque là. Et le dernier, c'est justement par rapport à une situation ô combien tragique, c'est aussi une manière de se rire de nous-mêmes. Même à travers un quotidien où la tente du clochard est déjà le sac poubelle que l'on peut jeter et est en train d'esquisser le trait d'humour. C'est le trait que l'on est en train de biffer sur des personnes qui sont sur les trottoirs à Paris ou ailleurs. Et donc notre regard ou notre non-regard, notre aveuglement dans un autre sens dans ce dernier cas. Donc là, il y a une tragédie du regard ou du non-regard dans le dernier point. Il y a une tragédie du glauque, si je puis dire, dans le deuxième. Il y a une parodie, il y a un mimétisme, je trouve, de la situation. On rejoue une scène en imitant. Si jamais, Géraldine, je faisais tout comme vous, je vous imitais, je vous dupliquais. Oui. C'est presque au sens de Platon, pourquoi il aimait tellement... Pourquoi la critique platonicienne de l'art, c'était l'imitation, il aimait pas ça. Pourquoi ? Parce que si je vous imite tout le temps, vous avez l'impression qu'on est en train de se moquer de vous. Ben oui, et donc là, non mais dans ce cas-là, c'est le problème. Est-ce qu'on a d'ailleurs, est-ce qu'on aime se rire de soi-même ? C'est pas toujours le cas. On en a parlé tout à l'heure. Des gens écoutant les Shadocks se sont peut-être sentis visés. Ils n'ont pas trouvé ça très drôle. C'était peut-être. On peut se sentir raison. Visé par les Shadocks, vous croyez ? Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Et en tout cas, une société ou peut-être. Et alors que dans les deux derniers exemples que nous avons entendus, il s'agit plutôt de voilà, c'est un fond quand même très très grave où il y a aussi quelque chose de nous et il y a quand même un humour noir à propos de nous. Yves Cusset, rire du grave, hein, c'est ce que proposait Nietzsche peut-être en parlant du rire doré qui était pour lui une vraie qualité des grands philosophes qui avaient un rapport à la gravité, au tragique, mais qui savait encore rire. Il évoque cela dans Par-delà bien et mal en 1886. Cette gaieté-là, c'est ce qui doit... Il doit y avoir cela dans l'humour noir pour que ce soit encore de l'humour, ou dans l'humour noir, parfois, on est au-delà de cette gaieté. On est dans le glauque pur. D'abord, dans les exemples que vous avez donnés, effectivement, dans les deux derniers, il y a un ressort comique fondamental, qui est la cruauté. La jouissance de la cruauté. De la situation, de ce qui est dit. Dans le cas de Blanche Gardin, c'est franchement ce qui est dit, hein, voilà. Et ça nous renvoie un miroir de la cruauté du monde et le rire qui s'en dégage. C'est pas, on n'est pas sadique. On ne jouit pas directement d'être cruel. On jouit parce qu'on a le droit de montrer la cruauté du monde qui ne cesse en fait de se dissimuler. Donc là, elle est montrée enfin. Moi, j'adore la parodie que faisaient Laurent Lafitte et Zabou Breitman. À votre écoute, coûte que coûte, c'est resté très peu de temps sur France Inter parce que c'est un humour qui est c'est du second degré, qu'il est très compliqué d'accepter. Hein, c'est assez peu populaire. Mais j'adore ce type de second degré. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que il représente quoi? La bienveillance de la psychologie. Ça, c'est le mot d'ordre du jour, la bienveillance. Et il montre à chaque fois comment cette bienveillance se retourne en vérité en emprise, comment cette empathie devient un pouvoir pris sur l'autre, et comment, là où il vous dit en fait, non mais ça va, on l'enfonce en fait dans sa merde, dans la mouise, en lui disant mais c'est terrible ce que vous viez, l'autre dit non, mais si c'est terrible, il faut que vous l'entendiez, c'est terrible, et c'est nous qui décidons. Alors évidemment ce qui est difficile, c'est quand là on entend justement de l'ironie, tout à l'heure quelque chose d'absurde a été reconfiguré dans cette émission en position d'ironie, mais là ce que vous dites, c'est que l'humour noir à la Zabou Breitman est en fait une lecture ironique de certaines postures d'empathie. Donc, c'est très difficile, toutes ces catégories se touchent, n'est-ce pas ? Évidemment, je pense pas, eux-mêmes ils y ont pas pensé en le faisant. Il a fallu qu'ils s'amusent, oui, c'est sûr, d'émissions de psychologie de ce type en direct, hein, avec évidemment ces psychologues ou ces personnes bienveillantes, ça c'est le principe, avec cette voix chaleureuse, attentive aux souffrances des autres, enfin qui se mettent dans une posture d'écoute. C'est évident qu'ils ont eu besoin de s'amuser avec ça. Il y a une dimension ludique, oui, et que l'ironie a de la parodie, en effet, ouais. Et ça devient une satire. C'est quand on en reste au ludique, on est dans la parodie. On imite un style, on en fait ressortir les principaux traits, et on passe à la satire quand, évidemment, on y ajoute une charge contre la société, une dimension de contestation. D'accord. Bon, on est à la frontière des deux. Chez Blanche Gardin, c'est beaucoup plus évident. On passe tout de suite à la charge. On passe tout de suite à l'ironie vraiment saignante. Alors dernière question pour vous. Aurélien Demare, est-ce que Cioran, qui est si noir et qui théorise même dans son précis de décomposition la haine, le fiel, le crachat, il faut savoir cracher à la gueule des gens, il évoque Diogène, le cynique, en ces termes, alors que Diogène, on pourrait dire d'autres choses de lui, est-ce que franchement ça a encore à voir avec l'humour et même l'humour noir? Est-ce qu'on ne passe pas chez Cioran à autre chose? Alors, c'est quand même de l'humour noir. Il y a une gradation. Cioran aime évoquer souvent des gammes. La gamme du vide, la gamme des angoisses. On pourrait évoquer une gamme du rire. Il y a sans doute l'histrionisme, l'idée d'être un trouble-fête, non pas de jouer pour s'amuser, mais de se jouer des apparences, des fictions. Ne pas être hypocrite, mais ne pas croire au jeu social qui est le nôtre. Et puis, il y a l'ironie non pas tant socratique que l'ironie grinçante de Diogène, celui qui veut remettre en cause nos conventions et qui est capable de tourner en dérision. Il y a l'idée que il ne s'agit pas d'un rire qui serait la maïeutique pour essayer de faire découvrir, qui serait un enseignement, parce que dans ce cas-là, vous êtes narcissique, vous êtes content d'enseigner à l'autre, ça serait la position d'un Socrate. La dimension cynique, c'est que elle veut juste nous faire prendre conscience de façon critique des conventions sociales et de les remettre en cause. Et puis, le dernier stade, l'humour noir de Cioran, il est plutôt dans ce dernier stade, c'est quand il s'agit de faire de l'auto-ironie. On a non pas une anthologie de l'humour noir, mais une anthologie du portrait de Saint-Simon à Tocqueville par Cioran, où on dresse les portraits et les quolibets et les critiques qui sont un peu comme un miroir pour Cioran, pour chacun d'entre nous, et voir en nous les critiques. Je me réveille avec entrain, je branche la cafetière électrique, je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je tonne. J'habite au 1 de la rue des douches, y'a un éléphant dans ma douche. l'Afrique me dit, vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule, là où j'ai laissé ce ma boule. La douche est vide, il est parti, le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit, égrouille-toi, donne-moi du nougat. Égrouille-toi, donne-moi du nougat. Brigitte Fontaine, le nougat. Pour une sorte de point d'orgue à cette émission sur l'absurde et l'humour noir. Voici à présent la chronique de Frédéric Vorm. Cette semaine, il nous parle de la question et du mystère. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi posons-nous des questions ? Il est peut-être temps, dans cette série de chroniques intitulée « Le pourquoi du comment », de se demander au fond pourquoi nous demandons pourquoi ou comment et pourquoi, au fond, les êtres humains posent des questions. C'est quand même une très bonne question, finalement, et il faut tenter d'y répondre. L'autre jour, j'étais dans une rue où venait de tomber de la neige et je marchais derrière une mère avec son petit garçon et le petit garçon demande à sa maman, un peu comme dans certaines émissions de radio d'ailleurs, où on les fait parler, poser leurs questions les plus naïves, et qui sont aussi les plus profondes, dit « Maman, pourquoi y a-t-il de la neige ? Pourquoi y a-t-il de la neige aujourd'hui ?» Et on sentait sa mère un peu embarrassée, qui peut-être avait une explication. C'est parce qu'il fait froid, c'est parce que quand il fait froid, la neige, l'eau se transforme en neige et la pluie change de nature, se transforme. Et donc, il y avait au fond un savoir disponible pour répondre à une question qui pouvait d'ailleurs attester d'une volonté de savoir, d'un désir de savoir, de cette curiosité qu'Aristote, déjà au début de la métaphysique, mettait au principe de l'être humain, de la philosophie et de la science. Les êtres humains, disait Aristote, désirent savoir. Il y aurait donc un désir fondamental de savoir qui s'exprime d'abord dans une sorte de demande théorique. Le pourquoi du comment, et surtout en philosophie, si on prend ce terme de manière un peu pompeuse, ce serait d'abord ces questions-là. Et puis il y a évidemment les questions scientifiques. Le pourquoi du comment dans la science, dans l'économie, dans les sciences sociales. Il faut se savoir, oui, mais peut-être derrière cette apparence purement théorique, purement contemplative du monde, y a-t-il des dimensions encore plus profondes de la raison pour laquelle les humains posent des questions ? Ce petit garçon au bras de sa maman qui demandait pourquoi y a-t-il de la neige, il y avait un soupçon d'inquiétude aussi dans sa demande, pas seulement de savoir théorique, pas seulement de curiosité, de désir de science ou même, disons, de philosophie. Et il y avait un peu d'inquiétude, mais aussi de l'autre côté, un petit peu de confiance finalement, un petit peu de confiance dans quelqu'un qui doit avoir les réponses. Alors, cette confiance qui désarme les sujets humains supposés savoir, mais qui ne savent pas tout et qui peuvent aussi parfois répondre. Je ne sais pas, nous allons demander, nous allons nous enquérir, mais il y a quand même cette réponse minimale qui consiste à répondre à la demande, au moins à l'inquiétude de la demande, par la confiance de la réponse, par la confiance dans la réponse. On répond d'abord par une expression, par un sourire, par une approbation, une légitimation, une autorisation aussi de poser la question, un partage de la question qui montre aussi que nous posons des questions parce que peut-être qu'avant les grandes questions théoriques ou les petites questions désarmantes, les questions les plus inattendues, les bonnes et les mauvaises questions, les vrais et les faux problèmes, car les philosophes critiquent aussi certaines questions, et critiquent certains problèmes en disant qu'il y a des faux problèmes, en deçà de ces questions de savoir qui peuvent être bonnes ou mauvaises, ou qui ont ou pas des réponses par les sciences des êtres humains, il y a des questions encore plus fondamentales. Merleau-Ponty nous rappelait que quand un être humain se réveille d'un vertige, quand nous sommes désorientés, quand nous nous réveillons, par exemple, d'un ensommeillement ou d'un étourdissement, nous posons des questions peut-être plus fondamentales que « pourquoi ou comment ?» Nous disons « où suis-je ? Quelle heure est-il ? Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ? » Il y a des questions peut-être plus fondamentales qui ne montrent que les questions ne sont pas seulement des demandes de savoir, mais d'abord des demandes d'orientation, des exigences d'un sujet pour se situer dans le monde. Et peut-être que l'autre bout, au-delà des questions à la fois théoriques et pratiques, des urgences vitales et aussi des demandes de savoir, il y a des questions qui restent quelque chose comme des mystères, des questions qui n'appellent pas de réponse. Pourquoi est-ce que tu m'aimes ? Pourquoi y a-t-il du mal dans le monde ? Pourquoi la joie est-elle si profonde ? Alors ce ne sont pas vraiment des questions. Ce sont plutôt des étonnements, des positions, des ouvertures, des abîmes qui n'attendent pas de réponse, où le point d'interrogation est d'abord une façon de se rapporter au monde. Merci Aurélien Desmar, Jean-Michel Beignet et Yves Cusset pour vos analyses sur l'absurde et l'humour noir aujourd'hui. Les références de vos travaux sont sur notre site. Cette émission a été réalisée par Riyad Kira avec, à la technique, Marie-Claire Oumabadi. Merci aux équipes de France Bleu Gironde pour le duplex. Merci à Anna Felpin pour avoir préparé cette émission tout particulièrement. Et merci aussi à tout le reste de l'équipe. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité. France Culture. L'esprit d'ouverture.